Les vacances judiciaires du mois d'août ne sont pas assimilables aux vacances des élèves. C'est juste un réaménagement du chronogramme des activités. Cet avis est d'Odéon Chimilimana, président du tribunal de grande instance de Muyinga, où à part les audiences publiques qui ne seront pas proclamées, les justiciables vont être servis comme d'habitude. C'est une occasion pour la rédaction, la signification des jugements, délivrer les copies, sans oublier les descentes sur terrain. Dans cette province, les vacances arrivent au moment où les juges étaient en campagne de constat, vérification et exécution des dossiers nécessitant des vérifications sur terrain ici et là dans les communes. Depuis juin, 875 dossiers étaient programmés. Au cours de deux mois, 460 affaires ont été clôturées lors de ces vacances. Les juges se pencheront davantage sur les 400 restants. Est-il logique de croire que tous les justiciables concernés par la campagne vont voir leurs affaires vidées au cours de ces vacances? Le président du tribunal de grande instance de Muyinga indique qu'ils vont faire de leur mieux. Les dossiers qui ne seront pas clôturés avec ces vacances le seront d'ici novembre, du moins d'après la planification en cours. Dieudonné Zaimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Le directeur général de l'Office national des routes indique que le retard observé dans la remise en bon état des routes où il s'effectue l'installation des feux tricolores est dû à la lenteur de livraison du matériel qui est utilisé dans ces travaux. Vincent Nibayoubahé ajoute que tout est en train d'être fait pour que les travaux se terminent au 31 août de cette année. Suivez Vincent Nibayoubahé. Et ces tranchées sont des tranchées qui vont loger des câbles électriques pour assurer l'interconnexion entre les feux tricolores. Ce projet d'installation des feux tricolores, c'est un projet qui est rattaché à RN3, projet multinational Rwanda-Burundi qui débute depuis Mugina, Makamba, Rwanda, Nyanzarak. Aujourd'hui, où nous en sommes, les câbles sont déjà installés. On est dans la phase alors de boucher pour trancher. C'est vrai, les trous maintenant, ça dérange parce qu'ils ont une profondeur un peu considérable. Mais toutefois, sachez bien que pour avoir de l'omelette, on doit casser les œufs. Ce projet d'installation, les feux rouges devraient durer combien de temps? C'est un projet unique. Les travaux devraient être terminés en août 2016, mais suite à des retards qui ne sont pas imputables ni à la précision ni à l'administration, on a fait un temps supplémentaire pour que les travaux puissent prendre fin le 31 août de cette année. Pour vous dire que l'adjudicateur du marché doit tout faire pour terminer le travail le 31 août de cette année, c'est-à-dire dans un mois. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parlait principalement des symptômes et du traitement de la thrombose veineuse profonde. La principale complication de la maladie est l'embolie pulmonaire qui peut conduire au décès, comme l'indique le cardiologue Marc Nimburanila. Comme défini la semaine dernière, cette maladie se caractérise par la formation anormale d'un caillot sanguin et survient le plus souvent dans une veine profonde de la jambe. Les détails avec Francine Diokougaï. Comme défini dernièrement par le cardiologue Marc Nimburanila, la thrombose veineuse est une constitution de caillots au niveau des veines profondes qui se forment dans certaines situations. Le docteur Nimburanila nous parle des différents symptômes que peut générer la thrombose veineuse. Ce sont principalement des patients qui viennent en consultation se plaignant des œdèmes, surtout œdème unilatéral dans membre inférieur. Il va dire, docteur, je me suis levé le matin, j'ai trouvé mes chevilles d'un côté ou de l'autre, gonflé, l'autre plainte, et la personne vient vous disant que je trouve mon membre inférieur très édémacié. L'autre plainte, c'est que le patient va venir vous dire au niveau du mollet, j'ai très mal, au niveau du crepopité, j'ai très mal, ou à la racine de la jambe, j'ai très mal. C'est un patient qui va vous dire, quand je touche sur mon membre inférieur qui est gonflé, je sens qu'il y a une petite chaleur. La thrombose veineuse est une maladie qui peut également entraîner de graves complications selon le cardiologue. En aigu, le patient peut développer une embolie pulmonaire. Ça consiste en une migration de ces caillots qui se sont formés au niveau des membres inférieurs. Ça traverse le cœur droit, ça arrive au niveau des artères pulmonaires, ça bouche ces artères pulmonaires et ça entraîne des difficultés d'échange gazeux et ça entraîne un essoufflement, une dyspnée. Et l'autre complication en chronique,